je suis allé me promener. Tout seul du côté de Saint-Tropez. Comme j'étais fatigué, comme j'avais mal aux pieds, j'ai stoppé pour boire un café. J'étais tranquillement installé. Une vue superbe sur le port. L'endroit idéal pour mater un soleil splendide au dehors. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand la note me fut remise. Le petit noir à 5 euros. Faut pas abuser, je suis qu'un vacancier. Un vacancier à Saint-Tropez. Un vacancier à Saint-Tropez. Un vacancier à Saint-Tropez. Un vacancier à Saint-Tropez. Dépité, je repris ma balade. Je me suis dit, tiens, une petite baignade. Il aurait fallu que je paye pour un parking de bain de soleil. Allez, tant pis, je vais m'éclater. Saint-Tropez, il n'y a rien de tel pour oublier. Arrivé à la discothèque, j'ai vu surgir un drôle de mec. Qui m'a dit tu peux pas rentrer. Mon vieux, t'es pas assez fringué. Bien sûr, j'ai pas pris mon costard. Faut pas abuser, je suis qu'un vacancier. Un vacancier à Saint-Tropez. Un vacancier à Saint-Tropez. Un vacancier à Saint-Tropez. Un vacancier à Saint-Tropez. Je vais faire mes bagages. Je crois que je vais tourner la page. De ce qu'on peut faire truquer. Faut pas abuser, je suis qu'un employé. Un vacancier à Saint-Tropez. Un vacancier à Saint-Tropez. Un vacancier à Saint-Tropez. Un vacancier à Saint-Tropez. Un vacancier à Saint-Tropez. Un vacancier à Saint-Tropez.